Les feux de détresse? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux prendre la voie de gauche? Oui. Réponse C. Non. Réponse D.